le meilleur du métal à Québec. Vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec une formation britannique mise sur pied par le claviériste John Young, un musicien qui a joué notamment avec Fish, John Wetton, John Anderson aussi, et j'en passe. Et on retrouve aussi dans ce groupe Dave Benbridge de Iona. Donc, troisième album studio pour Live 5 qui a pour titre Altitude. Et le disque est sorti, mais la version vinyle va être disponible en juillet. Ce sera suivi par une nouvelle formation néerlandaise qui a pour nom Chain Reactor. Premier album pour cette jeune formation, vraiment excellent, moi j'adore. D'ailleurs, j'ai remarqué que depuis quelque temps, les Pays-Bas sont une contrée que je dirais fertile. On a plusieurs nouveaux groupes qui émergent depuis les derniers mois. Là. D'ailleurs, on va en avoir un autre dans le prochain bloc musical. Et puis, ben écoutez, on va conclure avec Porcupine Tree, Light Bulb Sun. Il y a exactement 21 ans aujourd'hui, le 22 mai 2000, oui je le sais, c'est incroyable, 21 ans que Light Bulb Sun a été lancé, ça ne rajeunit personne, sixième album pour cette formation britannique qui est inactive depuis 2010. Le disque a été réédité en 2008 en version double CD, il y avait même une version triple CD. Je pense qu'il y avait des ma mémoire est bonne, il y avait des pièces bonus sur le troisième et le premier c'était un remix 5.1 et écoutez, je pense que le vinyle aussi, il y a eu deux éditions vinyle en 2008, une limitée à 1000 exemplaires qui était de couleur. C'est un double vinyle et l'édition noire qui était elle aussi double. Et bon, on y va, nous, avec Live Sing de l'album Altitude. We'll be right back.

Deserve this. You said I was stupid. All my thoughts are like coal. We'll be right back. can't stop myself drinking. Can't stop being me. If I call, will you come? And will you be safe? I see the whole thing come down. I burn into the ground. But what the hell did you say? You said you hate me this way. It's just a matter of time. Drop in the ocean. A significant motion. Nothing melts in this cold. To the ground. Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque, maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli de Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Allô, ici Gab Paquette. Je suis très fier d'être le porte-parole artistique du Radiothon de CKRL 2021, qui se déroulera les 28, 29 et 30 mai prochains. C'est important de soutenir généreusement CKRL au Radiothon, parce que CKRL, c'est la radio faite par des gens d'ici, pour des gens d'ici. CKRL, c'est la voix de la communauté, c'est la voix de la scène locale de Québec, c'est la voix du cœur. On va faire un tour du côté de la Norvège avec une nouveauté, Giant Sky, ça c'est le nom du groupe et c'est aussi le titre de l'album. Et c'est un projet de, probablement vous allez, certains amateurs de prog norvégiens vont reconnaître Erlend Viken de la fameuse formation Soup. Et c'est un projet monté avec des musiciens norvégiens, dont certains de Motor Psycho, et prog, psychédélique, planant, enfin, vous connaissez un peu Soup, et c'est dans le même style, disons, on pourrait dire ça. Et ben, ça sera suivi de Catatonia, de Fall of Earth. Je le présente parce que le disque a été lancé il y a exactement 5 ans par cette formation suédoise qui en était à son 10e album studio. Et puis, réédition pour des Norvégiens, le Arab in Aspic, les 3 premiers essais du groupe vont être réédités le 18 juin. Ils ont tous été remasterisés par Jacob Holm Lupo de White Willow. Et on va écouter un extrait du 3e qui a porté Strange Frame of Mind, paru en 2010. D'ailleurs, 2 ans plus tard, le groupe visitait Terra Incognita. Et on va conclure avec Perfect Storm. Je vous parlais tantôt d'une formation néerlandaise. Eh bien, la voilà, de l'album Nowhere. Et on y va sans plus tarder avec Giant Sky. See what it means and hope.

And I'm right.

c'est un groupe québécois qui va donner le coup d'envoi de cette prochaine demi-heure. Je vous avais déjà présenté une pièce de ce groupe qui a pour nom Arrivals et l'album a pour titre Departure. Le disque est maintenant disponible et c'est un excellent album. Donc, je le recommande, Arrivals. Ce sera suivi de Arabs in Aspic, Pro Guerilla. C'est le tout premier essai du groupe qui, en vérité, c'est un EP qu'on pourrait dire parce qu'il y a quatre pièces. Il paraît en 2003 et ça fait partie des rééditions qui vont être disponibles à partir du 18 juin. Un disque qui a été remasterisé, comme je le disais tantôt, par Jacob Homme Lupo de White Willow, un bonhomme qui se spécialise dans le remastering depuis un bout. Il a fait tous les disques de Rufus, le groupe norvégien Rufus aussi. Et ce sera suivi de Shrouded Unity, un quatrième album pour cette formation originaire du Maryland. Le titre, je vais essayer de vous le dire d'une traite, de Disadvantages of Being Aware. Et on va conclure avec un souvenir, parce qu'on a eu le plaisir de les voir à l'œuvre en mai 2009 dans le cadre de Terrain Incognita. En mai 2008, le groupe lançait Tightly on Wood, donc il y a 13 ans, et on vous en présente un extrait justement parce que c'est son anniversaire, 13e anniversaire pour Tightly on Wood. Et sans plus tarder, on y va avec Arrivals de l'album Departure. Gotten on through space and time. The rain washes our fears. Pleasures.

days of yore. There came travelers upon our shore. They wore gowns of silk and jewelry fair. They wore burning sapphires in their hair. They told us tales of lands afar, of castles. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en éducation, le gouvernement propose une augmentation historique de 18 % de la rémunération des enseignants au primaire et au secondaire dès leur entrée en fonction, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi l'ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté et la valorisation de la profession des enseignants en leur accordant une plus grande autonomie. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Cette fois, on retourne en arrière et on se retrouve en 2009, mai 2009, donc il y a 12 ans. IQ lançait son album Frequency. Et après, on aura, j'en parle depuis le début, là, Arab in Aspic, des rééditions là, pour le 18 juin. On va entendre un extrait cette fois-ci de Far Out in Arabia, qui est en fait le premier album du groupe paru en 2004. Progueria, comme je vous disais tantôt, plus des allures de EP avec ses 27 minutes quelques, donc, c'est ça, écoutez, on y va avec IQ Frequency. We'll be right back.

I feel me standing on my pillow, talking to the moon. Standing on my pillow, talking to the moon. Eh bien, c'est le temps de vous présenter une dernière pièce, et là, on recule beaucoup dans le temps. En mai, le 19 mai 1972, c'est Caravan qui présente Waterloo Lily, son quatrième album studio, et c'est avec un extrait de cet album que je vais vous laisser. Je vous rappelle que l'autoroute suit dans quelques instants et je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Bonne nuit à notre écoute. And if I turn your head a while, my heart will sing thunder songs of love to make you smile. I've traveled far in search of things I didn't know. I could have found as well at home as in the skies. So much time is spent in dreams of wealth and fame, when all you need is love in your eyes. Take the cup of divine wealth, drink it down and do yourself. Let your feelings tell you why. Have no fear for lonely days. Thank you. through our needs we'll tag along, collecting thoughts for all the others. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a décidé d'élire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise, le pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben c'est facile. Il a mon âge. Il a 10 ans. Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles. Ton vaccin Lac des Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille. Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec. Toi, ton vaccin, tu l'as eu? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pour quoi? J'ai pris le vaccin danse. Le vaccin danse? Trop bonne idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec. Notre Radioton arrive à grands pas. Objectif? Soutenir CKRL et la relance culturelle prise 2. Pour cette édition, nous vous avons concocté une programmation haute en couleurs à saveur estivale avec Christian Bégin, le Bluegrass de Margaret Tracteur, la formation vocale Les Bouches Bées, Soul Secret Agency, Debrielle Newlands, Lilithi, Ombre et Fidèle Fiasco. Le Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires gouvernementaux suivants. Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville. Sol Zanetti, députée de Jean-Lesage à l'Assemblée nationale. Catherine Dorion, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor. Le Radioton, c'est votre rendez-vous du 28 au 30 mai. Soyez-y. CKRL, communication, culture. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Les Enfants du Paradis est un magazine entièrement consacré au théâtre et à la danse. Interviews, critiques, panels, tables rondes et chroniques se relaient pour faire de cette émission une véritable fête consacrée au théâtre et à la danse. Les Enfants du Paradis, le lundi 17h30. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.